Yeah. B2EZ. CHICHO. Ouais. Truand de la galère. Morsize. Ouais. 54-95. Ouais. Ici on kick les brasses, tu vois souffler tes enceintes. Et ouais le beat tabasse, encore une règle qu'on vient d'enfreindre. Donne style, y'a pas de fin, toujours à fond pire qu'en F1. On avance les baisers, t'es pas prêt de nous baiser. On a la rime aisée, la 8 pour un baiser. Car en nous on a le feu, car ici c'est chaud. C'est notre brasier, on t'accueille droit dans les yeux. À la Joe phrasé, on soigne notre phrasé. Bizarre FTJ Morsai, on l'a fait comme en Muay Thai. On s'occupe de ton épine dorsale, devant nous tous les guetailles. Sache qu'on ne fait pas de détails, nous on lâche qu'en gros. On te crache à la gueule et te tire dans le dos. Le skut sous le manteau, y'en a sûrement trop. Alors on se bat sur le trafic, c'est ça la marque de fabrique. On démonte les quotas, explose les graphiques de Nancy. Harry pas si mon butin n'est plus granit. C'est la galère et 5-4-4 sur le beat. Si tu kiffes pas nos sons, viens de bout pomper la bite. Les forensics comme toi vont passer à 5 quarts d'heure. Ramène-nous dans ta pute qu'on en fasse nos 4 heures. C'est truand la galère et 5-4-4 sur le son. Attention garçon, v'là la putain de connexion. Les langues de but et les mythos vont passer à la trappe. Dédicace à Clicky 9-5 et à Nancy 5-4. Ça sent la puissance, j'nique tout comme ta. Si tu veux du bon shit, viens Warlan. J'kiffe la paca, j'suis trop fort en one-one. J'cale tous mes têtes, ça c'est bien Morsai. J'baisse les ratailles, toutes les poucaves. Tous les keufs, on les met tous à quatre pattes. J'compare pas les meufs bien et les pillages. Y'a la meuf qui t'aime et l'autre qui aime que le cash. Hey, on arrive en force. Le 5-4-9-5 pèse les skins en force. D'ailleurs maigri, la chatte à ta mère. Le Pen, oui, la chatte à ton père. J'vous pèse en prochaine foute. Et tous ceux qui sous-soutiendront, j'suis sans pitié, moi j'nique ta mère. Patarde raciste. Si tu rends la galère et 5-4-4 est sur le beat. Si tu kiffes pas nos sons, viens donc vous pomper la bite. Les forensics comme toi vont passer à 5 quarts d'heure. Ramène-nous pour ta pute qu'on en fasse nos 4 heures. Moi c'est dégueulasse, un truc bien crade. T'as du vomi sec sur tes godasses. Moi j'te balade, quand même manège dans une fête foraine. J'te rends malade, viens donc voir où j'crèche. Tu verras si j'raconte des salades. Manger quand j'paie au tiercé, je mange du canasson. Bienvenue à ma table, ici y'a que du carnassier. Des gens bien qu'il faut pas chercher. Si t'aimes pas te réveiller au bout d'un canoncier et dans tes draps chier. Moi j'manie le mic, comme les tympus manie ma bite. Manie ma bite en 16 ans 8, j'mets sur orbite. Les faux MC qui cohabitent. De Panama à la Moselle, une famille d'MC en deux. Et t'as reconnu le sang pareil, moi j'remets les pendules. J'enfonce le clou de ton cercueil pour les tarbats, j'ai le troisième œil. Pourquoi pas de balle, mais juste un stylo et une feuille. Casse des 10 ou MC qui en veulent. Pour le 1-4, fonce qu'à 5-4 pour mon cartel. C'est DJ Oma qui revient foutre le bordel. Si tu rends la galère et 5-4-4 est sur le beat. Si tu kiffes pas nos sons, viens donc nous pomper la bite. Les faux MC comme toi vont passer à 5 quarts d'heure. Ramène-nous dans ta pute qu'on en fasse nos 4 heures. Si tu rends la galère et 5-4-4 est sur le son. Attention garçon, v'là la putain de connexion. Les langues de but et les mythos vont passer à la trappe. Dédicace à Clicky 9-5 et à Nancy 5. Pour nos 5 ou de Nancy, de Cergy jusqu'à Drancy. On est hal, on tombe de haut pour faire très mal. C'est un son sale, ils représentent les rayons du sous-sol. Qui marchent tout seul et prennent des sous-sous sans tessu. 9-5, la capitale de la transac ma chérie. Je représente l'Algérie, de Marnia jusqu'à Tizi. 10 000 ventes, ça te choque sur la plaque de Clicly. Respect père si tu veux pas que ça fasse cric-cric. Les big craveurs de shit sont parano. Entre les Schmitt, la chute et les grosses putes. ZZZRF, tu reconnais la signature. Les petits frères n'ont plus de limite. Et rêve de rouler en grosse tuture. Du 9-5 jusqu'au 54. Si tu rends la galère et 5-4-4 est sur le beat. Si tu kiffes